Bonjour, merci aux organisateurs pour ces temps de parole et aussi pour cet appel à communication. Vous m'entendez bien ? Pour cet appel à communication très stimulant pour quelqu'un comme moi qui, a priori, ne suis pas une spécialiste des sciences des religions, mais qui j'ai trouvé en fait la question religieuse sur mon terrain de recherche. Donc un terrain de recherche que je mène depuis 2 ans auprès d'une association caritative qui est aussi un service de l'Église, le Secours catholique. Aujourd'hui, je vais mobiliser les données de cette recherche ethnographique qui est encore en cours pour vous parler un peu du rapport de cette association aux questions des inégalités, comment elle prend en compte la question des inégalités au fil du temps. Pour organiser son action auprès des plus pauvres. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un extrait de mon cahier de terrain. C'est sur une activité qui s'est passée à Lourdes l'année dernière à la Cité Saint-Pierre. Et ça s'appelle un groupe de partage d'évangile. Nous sommes un petit groupe de 8 personnes à cette occasion. Et nous nous appelons une fraternité. Donc, ces groupes de personnes, il est composé d'une manière qui n'est pas anodine. Elle a été pensée d'après, entre guillemets, les portes par lesquelles nous sommes entrés dans l'association. Et donc, il y a des personnes qui sont rentrées par la porte de bénévolat, du salariat, mais aussi de la demande d'aide. Il nous est proposé de faire une lecture d'un extrait de Magnificat de Marie. Donc je vous cite, hein, c'est un extrait assez court. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble des biens les affamés. Il renvoie les riches les mains vides. Donc il est attendu qu'on exprime les passages qui nous parlent et donc alors que certains commencent pour discuter un peu qu'est-ce que ça veut dire le Magnificat, dans quel contexte ce texte a écrit, Martine, une personne qui fait partie du groupe, elle reste sans dire mot. Pourtant, l'expression de Martine, elle est bien attendue puisque la porte d'entrée de Martine dans l'association, c'est la porte de la demande d'aide. Donc c'est à partir des encouragements de l'animateur du groupe qu'elle finit pour dire, donc je la cite, « Je n'aime pas la partie où c'est écrit qui Dieu y renvoie les riches. Alors, moi, j'ai lu dans certains visages un certain trouble, et quelqu'un s'exprime, mais pourquoi Martine ?» Et elle répond, « Parce que là, c'est un Dieu méchant qui fait peur. » Dit-elle en pointant un dessin qui accompagnait le texte, où on voit littéralement un dieu qui renverse avec ses mains les riches. Et elle continue, et en plus, Dieu, il aime tous les mondes, il ne fait pas de différence. Alors, le Magnificat et Martine plongent le groupe dans des réflexions hésitantes. Il y a ceux qui la soupçonnent de ne pas avoir bien compris le texte, puisqu'il s'avère qu'il s'adressait particulièrement à elle, ou au moins d'en faire une lecture trop littérale. C'est qu'il les déçoit en partie, puisque ces personnes s'attendaient à être bouleversées par la lecture que les plus pauvres peuvent faire de la parole, ou au moins qu'il ne s'agit là d'un signe de leur incapacité à se laisser toucher par la vérité exprimée par les tout-petits, comme quelqu'un me suggérera après. Il y a d'autres personnes qui vont se plonger dans des réflexions plus mondaines sur leurs propres conditions de vie. Donc il y a quelqu'un qui me dit « C'est bien vrai que les évangiles régorgent des condamnations à la richesse, mais alors, moi, même si je ne suis pas très riche, je ne me sens pas prêt au virement de mon confort. » Enfin, ces genres de rencontres et les réflexions qu'ils provoquent, ce n'est pas une spécificité de ce petit groupe. En fait, c'est un genre d'activité qui est activement promu par le Secours catholique depuis plusieurs années. Et donc, dans ma communication aujourd'hui, je voulais revenir un peu sur l'ordre symbolique qui légitime ces genres d'initiatives et qui cherche à les généraliser. Et dans un deuxième moment, revenir un peu sur ce qui exprime ces troubles, comme Martine s'exprime, c'est-à-dire certaines difficultés de la mise en œuvre concrète de ces genres d'activités. Euh, Donc le Secours catholique, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une association caritative qui a été créée en 1946, mais c'est aussi un service de l'Église, c'est-à-dire qu'elle a été créée par l'Église. Cette association, je vous disais tout à l'heure, compte avec un certain discours qui légitime ces genres d'actions où tout est pensé pour exprimer les inégalités et rendre, je les cite, rendre la parole aux plus pauvres. Alors, quel est l'ordre symbolique qui légitime ces genres d'actions? Il s'exprime de manière assez synthétique dans le projet associatif de l'association qui compte avec un genre d'entête qui c'est ensemble construire un monde juste et fraternel. Alors chaque mot est important dans cette phrase, puisque ensemble ça veut dire avec les pauvres, construire ça veut dire adopter une perspective de transformation sociale. C'est un tout petit groupe, mais il y a une idée comme quoi c'est l'ensemble des petits groupes qui vont faire une sorte de révolution tranquille. Justice et fraternité vient poser la question de l'égalité comme le but ultime à être cherché par l'association. Alors pourquoi j'emploie le concept d'ordre symbolique comme proposé par Bourdieu? C'est pour mettre en avant le fait que cet état de fait, cette orthodoxie de l'association, elle a été un jeu de longues disputes, et cela depuis la création de l'association. Alors il faut le dire que cette vision du monde qui est proposée par l'association, donc ensemble construire un monde juste fraternel, elle émerge avec force dans les années 90. À cette époque, il est proposé un nouveau projet associatif, et ce projet associatif, il parle de participation, transformation sociale, justice et fraternité. Il y a pour des références les plus immédiates une approche théologique, la théologie de la libération. Il y a aussi une approche d'intervention sociale qui est celui des Caritas du Sud, donc les homologues du Secours catholique dans les pays du Sud, notamment en Amérique du Sud. Alors, comment la théologie de la libération et les Caritas du Sud deviennent des références et amènent à construire cet ordre symbolique? Mais en fait, rien n'a été donné au sein de cette association pour qu'elle en arrive là. En fait, quand l'association elle a été créée dans les années 40, elle a été d'abord présidée par un prêtre et un groupe des laïcs qui réfutaient la question des inégalités sociales comme un fait social. C'était d'abord pour eux une question injuste, bien sûr, mais le fruit du péché. C'était interprété en termes théologiques, et les débats qui à l'époque tentaient essayer d'inscrire la question de la justice sociale dans une perspective de charité étaient réfutés comme quelque chose de marxiste et donc pas légitime au sein de l'association. Alors quand est-ce que ça commence à changer? Ça commence à changer dans les années 60, dans les années 70, un peu dans l'élan de Vatican II, et aussi dans d'autres événements, notamment en France, tous les événements liés à mai 68. Il est intéressant de voir que ça change parce que les rapports de pouvoir y changent. Il y a d'autres acteurs qui sont reconnus au sein de l'association comme des porteurs légitimes de ces questions. Je pense notamment aux laïcs et plus particulièrement les syndicalistes. Mais aussi les jeunes, donc des jeunes qui font partie de la génération de mai 68, et le tiers-monde. Ces personnes commencent à avoir la parole au sein de l'association, et là, par ces autres biais, la discussion de la justice et son lien avec la charité, ils commencent à paraître comme légitimes. Mais il faut attendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, les années 90 pour que cela aboutisse à quelque chose de concret. Et il y a dans les années 80 un autre déplacement qui s'opère, c'est autour de la reconnaissance de la théologie de la libération comme quelque chose de légitime aussi. Donc il y a dans les années 80 à la fois beaucoup de publications au sein de l'association pour valoriser cette expérience, mais aussi on va voir un transfert et beaucoup de d'échange avec les Caritas du Sud. Et donc, par ces biais-là, ces acteurs que je vous citais tout à l'heure, donc les laïcs, les jeunes et le tiers-monde, ils rentrent dans l'association, pas plus comme un discours, ils rentrent comme un discours légitime, mais en plus, ils rentrent comme porteurs de pratiques qui ont déjà produit des effets dans des pays du Sud. Donc, il est important de faire attention à ces moments, quelque chose qui, dans l'ordre du discours, change, mais qui est aussi lié à des expériences concrètes qui sont mises en avant pour faire preuve, quelque part, d'efficacité de l'ordre symbolique nouvelle qui est proposé à l'association dans les années 96. Alors, les Caritas du Sud, qu'est-ce qu'elles proposent? Elles proposent un rapport aux politiques plus conflictuel. Ils proposent une interprétation théologique des injustices, mais qui fait référence aussi aux sciences sociales pour montrer l'origine sociale de ces inégalités. Ils montrent aussi comme l'engagement avec les personnes elles-mêmes apporte de la légitimité à l'intervention sociale de l'Église. Et ça résonne beaucoup au secours catholique qui, dans les années 80, s'y sent quelque part menacé par l'arrivée de nouvelles associations, comme par exemple les Restos du Cœur. Là, il se trouve que cet ordre symbolique, s'il arrive à réussir à s'imposer comme orthodoxie de l'association au niveau du discours et au niveau du projet associatif, il a du mal à se développer sur le terrain, au niveau local, où au quotidien on va voir des résistances, et ça jusqu'à présent. Mais aussi on va retrouver une mise en œuvre difficile parce que le modèle des Caritas tel qu'elle est transposé en France, il ne va pas de soi. Alors quel genre de difficultés? Là où je vous disais que le modèle qui était proposé en 1996, qui s'inspirait des Caritas du Sud, parlait beaucoup de rapprochement avec les sciences sociales, en fait, quand il est transposé en France, il n'arrive pas à rendre compte des situations de pauvreté rencontrées par le secours catholique sur le terrain. Alors, l'analyse marxiste, elle est réfutée par des personnes qui ne s'identifient pas avec elle, mais aussi, elle ne rend pas compte des phénomènes d'exclusion et de pauvreté, comme par exemple l'immigration. Elle ne suffit pas à elle pour répondre à ces genres de problématiques. Donc, des acteurs de terrain qui trouvent que ça ne fonctionne pas, ou que de toute façon, c'est trop utopique, voire angélique, de vouloir promouvoir ces genres d'intervention en France. Il faut le dire aussi que les Caritas du Sud, elles ont fait le choix de se séparer de ce qui était activité distributive et qu'en France, le secours catholique n'a pas fait ses choix. Et aussi la question de comment... comment penser, par exemple, la mondialisation ou d'autres aspects liés aux causes de pauvreté en France, au-delà d'un cadre marxiste? Je me suis perdue, pardon. Ah oui, et aussi parce que dans les Caritas du Sud, donc, il y a cette figure de bénévole qui disparaît, alors qu'en France, le secours catholique a fait le choix de ne pas disparaître avec cette figure, avec une idée qu'en tant que catholique minoritaire, cela viendrait troubler une communauté qui est déjà en péril, quelque part. Bon. J'ai essayé de mettre en avant avec cette communication, c'est le fait que ces transformations, elles nous permettent de passer en revue d'un point de vue empirique une série de transformations dans le champ catholique, Et il nous amène plus récemment à s'interroger aussi sur une question qui se sur le terrain, qui est celle de ne pas penser en termes de classe sociale, mais de penser plutôt par rapport à la promotion de l'expertise des personnes en précarité. C'est un nouveau discours qui arrive. Et de se dire que finalement, ce n'est pas tant la prise de pouvoir qui importe, mais la reconnaissance de savoir qui viendrait de l'expérience des personnes qui ont vécu des situations difficiles. Et que finalement, la justice et la fraternité serait effective à travers la reconnaissance de ces savoirs que pourrait émerger à une seule condition au croisement avec le savoir d'autres personnes, donc notamment des chercheurs. Voilà.